way I want to go. I've got to way up, upgrade, I got it done. Voice, it mean voice box. Just running, it's hard to see. Thank you. Thank you. really sound like that. Thank you. Thank you. Thank you. seul le son. Un petit peu plus encore. Oui, oh, voilà. Bon, allez, c'est parti. Libo, en fait, t'as pas mis pause depuis tout à l'heure, depuis qu'on parle. Ça dit qu'il faut arrêter de faire des conneries. C'est ça que ça dit. Ça fait le night. Excusez-moi. True. Ah oui. Ça dure le night. Je mets des chill. Si, excusez-moi pour être un vous avec plein de vous au mélange. Thank you. Live.